Chapitre 10. La grande légende d'Afrique. La femme comme dieu de bonté. Fragment de l'histoire de l'amour. Le chef-d'œuvre de l'art égyptien, le Ramsès, que l'on voit à Istanbul, à Memphis et au musée de Turin, offre un caractère unique de bonté dans la puissance et de placidité sublime. Cette expression, qu'on pourrait croire particulière à cette figure, j'en ai retrouvé quelque chose dans une belle momie de Leyde, qui est aussi un jeune homme. C'est un caractère de race, fort contraire à la sécheresse du maigre profil arabe qui semble taillé au rasoir. Ici, une douceur extrême, une plénitude qui n'a rien de lourd, mais semble l'épanouissement pacifique de toutes les qualités morales. Le cœur est sur le visage, sanctifiant, béatifiant la forme matérielle par le rayon intérieur. Cette extraordinaire bonté est plus qu'individuelle. C'est la révélation d'un monde. On y sent que la Grande Égypte fut comme la fête morale, la joie et le divin sourire de ce profond monde africain fermé de tout autre côté. La forme supérieure de l'Afrique, au-dessus du nègre, au-dessus du noir, paraît être l'Égyptien. Si malheureux, si constamment déprimé, depuis le temps de Joseph jusqu'à Mehmet Ali, jusqu'à nous, le pauvre fellah d'Égypte est un homme d'une intelligence, d'une adresse peu commune. Un mécanicien employé au service du pacha nous disait que les indigènes qu'il admit dans ses ateliers lui prêtaient une attention extraordinaire, l'imitaient parfaitement et devenaient en 15 jours d'aussi excellents ouvriers qu'un Européen en 2 ans. Cela même tient à leur douceur, à leur grande docilité, aux besoins qu'ils ont de plaire et de satisfaire. Cette race excellente d'hommes ne veut qu'aimer et être aimé. Dans l'immolation cruelle que le pouvoir a toujours fait de l'individu et de la famille, leur tendresse mutuelle semble être d'autant plus grande. La mort précoce de l'homme qui succombe à un travail excessif, l'enfant enlevé par les cruelles razzias de la milice, c'est une suite non interrompue de pleurs, de sanglots et de deuils. L'antique lamentation d'Isis cherchant son Osiris n'a jamais cessé en Égypte. Le long du fleuve, à chaque instant, vous l'entendez recommencer. Cette lamentation, on la retrouve peinte, sculptée par tout le pays. Qu'est-ce que ces monuments de deuil, ce soin infini de sauver ce qu'on peut sauver, la dépouille, d'entourer le mort de prières écrites sur les bandelettes, de recommander au Dieu celui dont elle est séparée. Je n'ai pas visité l'Égypte, mais quand je parcours nos musées égyptiens, je sens que cet immense effort d'un peuple, ces dépenses excessives que s'imposaient les plus pauvres, c'est l'élan le plus ardent qu'ait montré le cœur de l'homme pour retenir l'objet aimé et le suivre dans la mort. Les religions jusque-là déroulaient leur épopée, mais silence. Voici le drame. Un génie nouveau se dresse sur l'Europe et sur l'Asie. Posons la scène d'abord. Cette terre de travail et de larmes, l'Égypte en soi est une fête, et c'est le pays de la joie. Du sein brûlé de l'Afrique, matrice ardente du monde noir, s'ouvre à la brise du nord une vallée de promission. Des monts inconnus descend le torrent de fécondité. On sait la joie frénétique du voyageur mourant de soif, qui parvient enfin à franchir les sables, qui touche l'oasis désirée et l'Égypte enfin, cette grande oasis pour les pays africains. Le premier mot de l'Égypte, c'est Isis. Et Isis, c'est le dernier. La femme règne. Un mot remarquable est resté pour Diodore. qu'en Égypte, les maris juraient obéissance à leurs femmes. Expression exagérée d'une chose réelle, la prédominance féminine. Le haut génie de l'Afrique, la reine de l'ancienne Égypte, Isis, trône éternellement parée des attributs de la fécondation. Elle porte le lotus à son sceptre, le calice de la fleur d'amour. Elle porte royalement sur la tête en guise de diadème l'avis d'oiseau, le vautour, qui ne dit jamais assez. Et pour montrer que cette avidité ne sera pas vaine, dans cette coiffure étrange, l'insigne de la vache féconde se dresse par-dessus le vautour et dit la maternité. La fécondité bienfaisante, l'infinie bonté maternelle, voilà ce qui glorifie, purifie ces ardeurs d'Afrique. Tout à l'heure, la mort et le deuil et l'éternité du regret vont trop bien les sanctifier. Les religions sont-elles sorties uniquement de la nature, du climat, du génie fatal de la race et de la contrée? Oh, bien plus, des besoins du cœur. Presque toujours, elles jaillirent des souffrances de l'âme blessée. Sous la piqûre d'un trait nouveau, l'homme, comme un arbre de douleur, arracha de lui un fruit de consolation nouvelle. Jamais nulle religion n'a mieux témoigné de ceci que celle de l'ancienne Égypte. Elle est manifestement la consolation sublime d'un pauvre peuple laborieux qui, travaillant sans relâche, sentant d'autant plus la mort que la famille est tout pour lui, chercha quelque allègement dans la nature immortelle, se fia à ses résurrections et lui demanda l'espérance. Et la nature attendrie lui jura qu'on ne meurt jamais. L'originalité puissante de cette grande conception populaire, c'est que pour la première fois, l'âme humaine, la terre et le ciel associèrent leur triple drame dans le cadre de l'année. L'année ne meurt que pour renaître. L'amour se prit à cette idée et crut l'éternelle renaissance et la résurrection de l'âme. Quand je vois dans les montagnes tel pic de basalte qui a percé toutes les couches et domine tous les sommets, je me demande de quelle profondeur immense et par quelle énorme force a donc pu surgir ce géant. La religion de l'Égypte me donne cet étonnement. De quelle profondeur jaillit-elle? Et de tendresse physique, et d'amour, et de douleur, abîme de la nature. Dans la mer universelle, la nuit, furent conçus avant tous les temps une fille, un fils, Isis Osiris, mais qui déjà s'aimait tant dans le sein maternel, et qui était tellement unie qu'Isis en devint féconde. Même avant d'être, elle était mère. Elle eut un fils qu'on nomme Horus, mais qui n'est autre que son père, un autre Osiris de bonté, de beauté, de lumière. Donc, ils naquirent trois merveilles, mère, père et fils, de même âge, de même amour, de même cœur. Quelle joie! Les voilà sur l'autel, la femme, l'homme et l'enfant. Notez que ce sont des personnes, des êtres vivants, ceux-ci. Non la trinité fantastique où l'Inde fait l'hymen discordant de trois anciennes religions. Non la trinité scolastique où Byzance a subtilement raisonné sa métaphysique. Ici c'est la vie, rien de plus. Du jet brûlant de la nature sort la triple unité humaine. Oh, que les dieux jusque-là étaient sauvages et terribles. Le Siva indien ferme l'œil, car le monde périrait sous son dévorant regard. Le dieu des purs, le feu des Perses, afin de tout ce qui existe. Ici, c'est la nature même qui est sur l'autel, dans son doux aspect de famille, bénissant la création d'un œil maternel. Le grand Dieu, c'est une mère. Combien me voilà rassurée. J'avais peur que le monde noir, trop dominé de la bête, saisi dans son enfantement des terrifiantes images du lion et du crocodile, ne fît jamais que des monstres. Mais le voilà attendri, humanisé, féminisé. L'amoureuse Afrique, de son profond désir, a suscité l'objet le plus touchant des religions de la terre. Quelle? Réalité vivante, une bonne et féconde femme. Que c'est ardent, mais que c'est pur. Ardent si on le rapproche des froids dogmes ontologiques. Pur si on le met en face des raffinements modernes, de nos blêmes conceptions, de la corruption pieuse, du monde de l'équivoque. La joie éclate, immense et populaire, toute naïve. Une joie d'Afrique altérée, c'est l'eau, un déluge d'eau, une mer prodigieuse d'eau douce qui vient de je ne sais où, mais qui comble cette terre, la noie de bonheur, s'infiltrant et s'insinuant en ses moindres veines, en sorte que pas un grain de sable n'est à se plaindre d'être à sec. Les petits canaux desséchés sourient à mesure que l'eau gazouillante les visite et les rafraîchit. La plante rit de tout son cœur quand cette onde salutaire mouille le chevelu de sa racine, assiège le pied, monte à la feuille, incline la tige qui mollit, gémit doucement. Spectacle charmant, scène immense d'amour et de volupté pure. Tout cela, c'est la grande Isis, inondée de son bien-aimé. Il travaille le bon Osiris. Il fait l'Égypte elle-même. Cette terre, c'est son enfant. Il fait la culture d'Égypte. Il lui engendre les arts sans lesquels elle eût péri. Mais rien ne dure. Les dieux s'éclipsent. Le vivant soleil de bonté qui se mât au sein d'Isis tout fruit, toute chose salutaire. Il a pu tout créer de lui, sauf le temps. Sauf la durée. Un matin, il disparaît. Oh, vide immense! Où donc est-il? Isis éperdue le cherche. La sombre doctrine répandue dans l'Occident de l'Asie, que les dieux mêmes doivent mourir. Ce dogme de la Syrie, de l'Asie mineure et des îles n'eût pas dû, ce semble, approcher de cette robuste Afrique. Qui a un sentiment si fort et si présent de la vie. Mais comment le méconnaître? Tout meurt. Le père de la vie, le Nil tari, se dessèche. Le soleil, à certains mois, n'en peut plus. Le voilà défait et pâle. Il a perdu ses rayons. Osiris, la vie, la bonté, meurt. Et d'un trépas barbare. Ses membres sont dispersés. L'épouse éplorée retrouve ses débris. Un seul lui manque, qu'elle cherche en s'arrachant les cheveux. Hélas, celui-ci, c'est la vie, l'énergie de vie. Puissance sacrée d'amour, si vous manquez, qu'est-ce du monde? Où vous retrouvez maintenant? Elle implore le Nil et l'Égypte. L'Égypte n'a garde de rendre ce qui sera pour elle le gage d'une fécondité éternelle. Mais une si grande douleur méritait bien un miracle. Dans ce violent combat de la tendresse et de la mort, Osiris, tout démembré qu'il est et si cruellement mutilé, d'une volonté puissante, ressuscite, revient à elle. Et si grand est l'amour du mort que par la force du cœur, il retrouve un dernier désir. Il n'est revenu du tombeau que pour la rendre mère encore. Oh, combien avidement elle reçoit cet embrassement. Mais ce n'est plus qu'un adieu. Et le sein ardent d'Isis ne réchauffera pas ce germe glacé. Qu'importe, le fruit qui en est triste et pâle, n'en dit pas moins la suprême victoire de l'amour qui fut fécond avant la vie et l'est encore après la vie. Les commentaires qu'on a faits sur cette légende, si simple, lui prêtent un sens profond de symbolisme astronomique. Et certainement de bonne heure, on sentit la coïncidence de la destinée de l'homme avec le cours de l'année, la défaillance du soleil, etc., etc. Mais tout cela est secondaire. Observez plus tard, ajoutez. L'origine première est humaine. C'est la très réelle blessure de la pauvre veuve d'Égypte et son inconsolable deuil. D'autre part, que la couleur africaine et matérielle ne vous fasse pas illusion. Il y a ici bien autre chose que le regret des joies physiques et le désir inassouvi. La nature, à cette souffrance sans doute, avait de quoi répondre. Mais Isis ne veut pas un mâle. Elle veut celui qu'elle aime seul, le sien, et non pas un autre. Le même et toujours le même. Sentiment tout exclusif et tout individuel. On le voit aux soins infinis qui se prend de la dépouille pour qu'un seul atome n'y manque, pour que la mort n'y change rien et puisse un jour restituer dans son intégralité cet unique objet d'amour. Je veux celui qui fut mien. Qui fut moi et ma moitié. Je le veux et il revivra. Le scarabée renaît bien et le phénix renaît bien. Le soleil, l'année renaissent. Je le veux et il renaîtra. Est-ce que je ne suis pas la vie et la nature éternelle? Il a beau s'éclipser un jour, il faut bien qu'il me revienne. Je le sens, je le porte en moi. En moi, je l'eus avant d'être. Si vous voulez le savoir, je fus sa sœur et son amante, mais j'étais sa mère aussi. Vérité naïve et profonde, sous forme mythologique, c'est le triple mystère d'amour exprimé pour la première fois. Épouse, vraie sœur de l'homme dans le travail de la vie, plus que sœur et plus qu'épouse, pour le consoler le soir et reposer sa tête, elle le berce, fatigué, l'endort comme un nourrisson et, le reprenant dans son sein, l'enfante d'une vie nouvelle, oublieux de tout, rajeunie, pour l'éveil joyeux de l'aurore. C'est la force du mariage, non de voluptés éphémères. Plus il dure, et plus l'épouse est mère de l'époux, plus il est son fils. Garantie d'immortalité, mêlée à ce point qui donc parviendrait à les disjoindre. Isis contient Osiris et l'enveloppe tellement de sa tendre maternité que toute séparation n'est évidemment qu'un songe. Dans cette légende si tendre, toute bonne et toute naïve, il y a une saveur étonnante d'immortalité qui ne fut dépassée jamais. Ayez espoir, cœurs affligés, tristes veuves, petits orphelins. Vous pleurez, mais Isis pleure, et elle ne désespère pas. Osiris mort n'en vit pas moins. Il est ici renouvelé constamment dans son innocent Apis. Il est là-bas, pasteur des âmes. Débonnaire gardien du monde des ombres, et votre mort est près de lui. Ne craignez rien, il est bien là. Il va revenir un jour vous redemander son corps. Enveloppons-la avec soin, cette précieuse dépouille. Embaumons-la de parfums, de prières, de brûlantes larmes. Conservons-la bien près de nous. Ô beau jour, où le Père des âmes, sorti du royaume sombre, vous rendra l'âme chérie, la rejoindra à son corps et dira « Je vous l'ai gardée ». La permanence de l'âme, non vague et impersonnelle comme dans le dogme d'Asie, mais de l'âme individu, de l'âme aimée, consacrée et éternisée dans l'amour. La fixité impérissable du moi adoré, la tendre bonté de Dieu, liée par les pleurs d'une femme, est tenue de restituer ce bienfait immense, dès lors a été reçu de tous, et il ne passera pas. Dieu est tenu, mais pour les bons. Il les distinguera des méchants. Ainsi, pour la première fois, apparaît nettement le jugement et la justice divine. En attendant, travaillons. Bâtissons des choses éternelles, perpétuons notre mémoire. Parlons aux âges futurs en langue de marbre et de granit. L'Égypte entière est comme un livre où tous les sages, un à un, viennent étudier. Dès lors, toute nation imite, prend l'émulation, la durée. On entasse, on accumule. Chaque jour va s'enrichissant l'héritage du genre humain. Ainsi, de morale et d'art, de travail, d'immortalité, cette adorable légende féconda toute la terre.